Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h, de la maison ronde, de la maison de la radio, du studio numéro 1. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre menu, à notre programme, aujourd'hui, un ouvrage, Penser et agir avec la nature, et deux auteurs, Catherine Larère, Raphaël Larère, philosophes tous les deux, et Raphaël Larère, lui, est aussi agronome. Et ça va être une réflexion sur un certain nombre de dualismes qui sont omniprésents et aussi difficiles à surpasser, alors qu'ils cachent beaucoup, beaucoup de choses. Des dualismes donc qui, comme la culture de la nature, sont à l'œuvre de façon systématique dans la réflexion sur l'environnement, sur la nature elle-même et sur l'activité des hommes. Mais, pour respecter notre tradition, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens aujourd'hui le chien, le canidé, Canis lupus familiaris. Le chien, donc. Le chien, de tous les animaux, est sans doute celui dont les émotions sont le plus en phase avec celles de son maître. Il est aussi celui qui est le plus apte, même encore chiot, à interpréter presque spontanément les gestes humains. Alors que les grands singes, nos plus proches cousins, doivent interagir longuement avec nous pour acquérir cette connaissance. Des dizaines de milliers d'années d'intime cohabitation ont affermi cette relation entre les deux espèces, l'Homo sapiens sapiens et Lupus familiaris. Mais quelle est exactement l'essence de ce ressort biologique entre le chien et son maître l'homme. Dans une étude récente, une équipe japonaise pointe le rôle de l'ocytocine, une molécule star des laboratoires, parfois surnommée hormone de l'amour, du plaisir, voire de l'attachement. L'ocytocine, donc, produite dans le cerveau, intervient en effet à des moments clés de la vie humaine, par exemple l'accouchement et l'allaitement, alliant l'effet physiologique et comportemental. Elle serait aussi essentielle à la formation des liens entre la mère et l'enfant. Et de nombreux travaux sont en cours pour tenter de l'utiliser pour réduire certaines manifestations pathologiques, comme par exemple certains des troubles autistiques. Mais, me direz-vous, quel rapport avec notre Canis lupus familiaris ? Lui aussi produit de l'ocytocine, qui semble avoir un rôle dans la régulation des interactions entre individus. Ainsi, en 2014, la même équipe japonaise avait ainsi montré que l'administration par spray nasal de l'hormone conduisait les chiens ayant sniffé à s'engager dans des contacts beaucoup plus sociaux avec d'autres chiens et aussi, bien sûr, avec des humains. Et cette fois, Takefumi Kukisui de l'université Azuba au Japon et ses collègues se sont concentrés sur l'un des liens les plus forts mais aussi impalpables qui puissent exister entre un chien et son maître. Les regards qu'ils se portent à chacun, les yeux dans les yeux. L'expérience comportait deux phases distinctes. La première a consisté à mesurer la concentration ou les concentrations en ocytocine dans l'urine de 30 mètres et d'autant de chiens avant et après qu'ils aient interagi. Les propriétaires, dont l'animal avait passé le plus de temps à les regarder, montraient la plus grande augmentation de cette concentration, de ce produit-là. Et c'était aussi le cas pour leur chien. Quand les mêmes mesures ont été effectuées sur des loups cette fois, et des humains qui les avaient élevés, Eh bien, encore une fois, les louveteaux, chez les louveteaux, cette ocytocine n'est pas apparue. Étrange, non ? Avec le chien domestique, elle est là. Mais dans un second dispositif expérimental, une bouffée d'hormones projetée sur la truffe des chiens, cette fois, augmentait encore les interactions visuelles avec le maître, et en plus, chez celui-ci, le maître, la concentration d'ocytocine augmentait à nouveau. Une sorte d'effet d'entraînement qui n'intervenait cependant qu'avec les chiennes. Le parallèle avec une étude de 2012 conduite chez l'homme est frappant. Celle-ci, cette étude donc, avait montré que l'administration de l'hormone chez les parents augmentait sa production chez les enfants en raison d'un surcroît de tendresse exprimé par les géniteurs. Bref, caressez-vous et produisez de l'ovocytine. Bonjour Catherine Larrère. Bonjour. Bonjour Raphaël Larrère. Bonjour. J'ai dit philosophe, vous préférez sociologue ou non ? Je suis sociologue, j'ai pas fait de... J'ai vu votre clignement d'œil, je me suis dit, j'ai dit une bêtise. Oui, mais c'est simplement que j'ai pas suivi de cursus de philosophie, et donc quand on n'a pas suivi de cursus, on n'est pas philosophe. Eh oui, ouais. Eh oui. Michel de Certeau disait un théologien, c'est quelqu'un qui a une licence de théologie. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a une licence de philosophie. Et c'est comme ça que je suis sociologue, puisque j'ai passé des concours en tant que sociologue, mais autrement, comme diplôme, j'ai un diplôme de zootechnicien. Oui, c'est ça, voilà. Et vous avez travaillé à l'INRA. Voilà. Oui, et vous avez donc évidemment la compréhension des techniques agronomiques, bien sûr. Hein. Un peu. Un peu, oui, parce qu'on va en parler. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Catherine Larrère, avec la définition que j'ai donnée, le petit programme, en disant que c'était presque et avant tout l'opération suivante. Alors, je la résume à nouveau, il y a beaucoup de dualisme, on en trouve beaucoup, par exemple, le naturel et le sauvage, ainsi de suite, et que chacun des membres de ces dualismes, vous expliquez que transforme la personne qui s'appuie sur l'un des membres, par exemple la nature, rentre dans une sorte de dogmatisme, et réciproquement, c'est-à-dire quand on s'empare d'un des membres d'un dualisme, on devient une espèce de dogmatique de la cause, d'une certaine façon. On peut dire les choses comme ça, parce qu'on aura à y revenir souvent. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la pensée occidentale, et essentiellement depuis le XVIIe siècle, depuis ce qu'on appelle la modernité, c'est effectivement organisé autour d'un certain nombre de séparations entre corps et esprit, entre nature et société, nature et culture, sujet-objet, et que ça a permis en particulier le développement de la connaissance. Mais en même temps, ça fait effectivement des terrains où on peut s'installer et qu'on peut substantialiser ou essentialiser. Et c'est là que les choses commencent à aller moins bien. Oui. Et en plus de fouiller, là encore, c'est en préalable, puisqu'on va venir tout de suite à des auteurs absolument magistraux et qui ont aimé le sauvage. Mais cette réflexion des membres de ces oppositions duelles ou duales, et quand on ausculte bien la chose, finement, comme vous le faites dans cet ouvrage, c'est très enseignant. C'est-à-dire qu'on y apprend beaucoup de choses. Ça enrichit, on va avoir des exemples pleins, mais je reste sur cette question de méthode avant d'aborder la... Si vous voulez, ce que ça apprend, c'est que bon, cette séparation nature-homme, pour aller vite, a permis le développement de la science moderne. Bien sûr. C'est aussi la base sur laquelle on s'appuie pour défendre la nature. C'est-à-dire que la nature apparaît comme une entité, une globalité qui a son autonomie propre. C'est déjà la position de Rousseau. Elle existe indépendamment de nous. Elle a le droit de continuer. Et donc, ça permet aussi bien la domination, l'exploitation, l'instrumentalisation, que la défense de la nature. Et effectivement, la pensée du sauvage s'installe dans l'idée d'une indépendance de la nature par rapport à l'homme. Alors, j'ai découvert, à la lecture de votre ouvrage, une chose que je ne connaissais absolument pas, c'était le distinguo qu'opère l'anglais entre wilderness et wildness. Et en particulier, vous faites l'étymologie, bon, on va pas reprendre toute l'étymologie, mais avec wilderness, on trouve l'exacte position dans laquelle était le grand Thoreau, celui qui donc refusait de payer ses impôts et a demandé à ce qu'on le mette obligatoirement en tôle parce qu'il ne voulait pas payer ses impôts pour un gouvernement qui faisait la guerre contre le Mexique. Et ce même Thoreau, on peut dire qu'Emerson aussi, qu'il précède dans la même position, ils ont tous les deux une revendication de la beauté du sauvage. Et vous en venez à dire, et je vous laisse expliquer la chose, que d'une certaine manière, ça ressemble beaucoup à ce sauvage-là, ce que peut... Ça se ressent individuellement, vous avez cité Rousseau, et ça ressemble beaucoup à ce qu'est, avec... il faudrait donner peut-être quelques précisions et restrictions, ce que Kant, dans la troisième critique, désigne comme le sublime. Oui, le sauvage, alors, bon, l'inentamé, l'orage. Wildness, wilderness, il y a les deux mots. Et wilderness, on est, bon, qui est un terme religieux, en fait, qu'on trouve d'abord dans la Bible, désigne l'étendue, la déréliction, là où on est abandonné. Là où l'homme est abandonné de Dieu, le désert. En français, le mot désert, au départ, ne signifie pas un lieu non... c'est un lieu non habité d'homme, mais c'est pas un lieu non planté. Une forêt peut être un désert, en français. Et donc, c'est... Il y a une sorte d'inversion qui fait que ce lieu abandonné des hommes est un lieu qui vaut par lui-même. Et effectivement, Thoreau et Emerson ont fait beaucoup pour valoriser. Et ils sont parmi les premiers à dire il faut laisser de la place à ce type d'espace. Il faut laisser de la place à la wilderness. Et on peut y retrouver, alors ça c'est des interprétations, mais on peut y retrouver effectivement l'idée qui vient de Burke et de Kant, du sublime comme une globalité de la nature qui nous impose par la façon dont elle, justement, elle nous surplombe. Et de ce point de vue-là, si on a vu la peinture américaine du sublime, il y avait eu une exposition il n'y a pas très longtemps. Thomas Cole. On a vu ces immensités où, quand il y a un homme, il est tout petit, complètement perdu, et il ne peut avoir qu'une idée du divin là-dedans. Vous voulez rajouter quelques précisions à cette première distinction de Catherine Larère ? Alors, c'est pas tellement sur la distinction. Ce que je voudrais préciser, c'est que l'amour de la wilderness a conduit effectivement à préserver des milieux qui sont des milieux où l'homme n'intervient pas. Mais en même temps, c'était une illusion, on le sait très bien. Les Indiens avaient pendant très longtemps transformé ce paysage. Et puis, quand les colons anglais sont arrivés, c'était un paysage qui avait été réensauvagé parce que la population des Indiens, qui n'avait pas résisté aux germes que leur avaient généreusement apportés les Européens, avait été divisée par 10. Et donc, on avait un milieu ensauvagé. Donc, la wilderness elle-même n'existe pas. Par contre, l'idée que... Il y a quelque chose d'important dans la wilderness. L'idée qu'au fond, préserver le sauvage, c'est préserver le sauvage qui est en nous pour ne pas être totalement domestiqué soi-même. Eh bien, cette idée, elle a été transposée par certains que l'on retrouve, qui savent très bien que la nature sauvage sans l'homme n'existe pas, dans la défense de la nature laissée en libre évolution. Alors, c'est pas des milieux forcément très naturel. Ça peut être des friches industrielles, ça peut être des espaces agricoles délaissés, etc. Et il y a des gens qui disent, mais au fond, pourquoi ne pas laisser en libre évolution, c'est-à-dire prendre la naturalité comme un processus et pas comme un état. Comme un processus dynamique, mais on y reviendra sur la question de la restauration en particulier, hein, puisque c'est une chose que vous développez. Alors vous dites aussi, et là je me tourne vers vous Catherine Larère, que cette espèce de dualisme-là a complètement été brouillé ou refondu par le travail de Philippe Descola, en particulier avec une nouvelle définition du naturalisme. On peut peut-être en dire deux mots. On peut en dire deux mots. Alors, ce que Philippe Descola fait, c'est de montrer le caractère purement occidental de l'idée de nature et de caractériser l'idée de nature justement par ce dualisme. Donc, et il appelle ça le naturalisme, qu'il oppose à d'autres ontologies. Oui. Il en distingue trois autres, animisme, totémisme, analogisme. Et d'où la petite gêne qu'on peut avoir, parce que généralement ce que nous appelons en français naturalisme, c'est l'idée qu'il n'y a que de la nature. Alors que ce que Descola montre, ce qu'il appelle naturalisme, c'est cette dualité homme-nature, nature-société, mais en même temps, il montre que finalement, ce que nous entendons généralement par naturalisme, c'est-à-dire une sorte de monisme, il n'y aurait que de la nature, n'est finalement qu'une autre forme du naturalisme. Du dualisme. Du dualisme, oui. Alors, je trouve quand même, je reviens un instant sur cette qui confirme vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement permanent, c'est-à-dire que les colons arrivent. Bon, il est clair qu'à un moment, là encore, je l'ai lu dans votre ouvrage, les Indiens qui voient une croissance démographique vont déforester. Et de ce fait, vont étendre le territoire possible pour qu'il y ait une augmentation de bisons. Et donc, on va avoir des troupeaux absolument immenses de bisons. Et puis, avec cet effondrement démographique, eh bien, vous avez dit, à nouveau, ça se réensauvage. Et donc, quand on voit Chateaubriand s'extasier devant, dans son voyage en Amérique, il sait pas, lui, que c'est une forêt complètement réhabilitée d'une certaine manière par des incidents de l'histoire. Solo non plus, il ne le sait pas. Oui, on peut drôlement se tromper. Il ne s'éloignait pas tellement des villes. Hein, non, mais ce qui est intéressant chez Chateaubriand, c'est qu'il faut qu'il aille en Amérique pour trouver une nature sauvage qu'il n'aurait jamais trouvée en France. Oui. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Eh bien oui, suite de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Catherine Larère et de Raphaël Larère, autour de ces définitions qui essayent de savoir ce que nature veut dire et ses opposés aussi, bien sûr. Alors, on peut peut-être prendre... vous avez un moment où vous parlez de l'individu qui s'affirme en référence à la nature. Ça, c'est une position qu'on retrouve aussi très souvent. On peut en dire un mot, Catherine Larère. Alors, oui, c'est des anthropologues qui ont montré ça. Je pense à Louis Dumont, Homo Equalis, quand oui. Il oppose l'homme traditionnel inséré dans la société et l'homme moderne et l'émergence de l'individu, où il montre que cette affirmation des individus égaux est sur la base du fait que les individus se réfèrent à la nature et non pas se définissent à l'intérieur d'une société. Alors, on peut dire qu'on trouve ça chez Rousseau. Et en particulier quand il est rejeté de la société par qui se considère, mais on l'a vraiment embêté, hein, interdiction du contrat social, Émile, etc., oui. Condamnations diverses, et il retrouve sa propre position dans son rapport à la nature. Donc ce rapport privilégié de l'individu à la nature est le moment à la fois de l'affirmation d'une nature indépendante existant par elle-même et d'un individu qui trouve dans la nature sa propre existence individuelle. Alors on peut arriver maintenant à la première rencontre importante ou d'importance qui est donc la conférence de Rio et avec les dispositions qui s'en suivent. Là vous parlez donc d'une sorte d'attitude un petit peu autoritaire. D'abord, vous dites que il y a deux positions qui engagent un choix politique entre deux types de politiques de protection de la biodiversité, hein, c'est le premier point important qui est imposé ou en tout cas qui s'impose à cette réunion qui est vraiment mondiale. Hein, donc, il y a la convention sur la diversité biologique de 92 vrai. Et la préfiguration aussi, mais elle est signée, oui. Elle est mondiale. Hein. Et donc administrée d'en haut, faisant appel à l'autoritarisme scientifique. D'ailleurs, on reviendra sur l'autoritarisme scientifique, parce que je me permettrai de pas toujours être dans le même accord avec vous. Ou en tout cas de vous poser la question. Et si aussi. Si vous ne faites pas preuve d'autorité. Ah non, je le dirais de la façon la plus suave. Hein. Mais, évidemment, quid des populations concernées en particulier. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même des partenaires locaux. On peut prendre un certain nombre de dispositions qui sont, on va dire, universelles, mais les sociétés sont multiples, les sociétés sont diverses, les sociétés aussi bien par la démographie, par le développement scientifique, par leur technique même, et leur enracinement dans leur terroir ou leur environnement, n'est-ce pas ? Alors, si vous voulez, cette politique de protection d'une nature mise à l'écart des hommes, c'est typiquement la politique des parcs nationaux américains, oui. Hein, Wilderness, Yosemite, Yellowstone, etc. C'est les premiers, hein, d'ailleurs, qui commencent. Oui, il y a à peu près la même chose en Europe au même moment, mais c'est Fontainebleau qu'on protège en France. Oui. C'est pas le Grand Canyon ou. Puis c'est pas de la wilderness. C'est pas de la wilderness, mais on protège de la nature. Voilà. Mais oui. Effectivement, la protection d'une nature dont l'homme est à l'extérieur de laquelle l'homme se trouve, c'est américain. Mais ça va donner un modèle qui va être exporté dans le monde entier, et en particulier, alors, bon, comme la protection de la nature est financée internationalement, vous allez avoir un certain nombre de biologistes financés par le FMI, ou par la Banque mondiale, qui vont aller protéger la biodiversité dans la forêt tropicale amazonienne, par exemple au Brésil, et qui vont vouloir en chasser les populations locales. Oui. Parce que c'est des gêneurs. Et même entre les États-Unis et le Mexique, il va y avoir deux politiques de protection de la nature à des deux côtés de la frontière. Côté américain, sans population locale. Côté mexicain, avec population locale. Et une comparaison de biodiversité montre que du côté où il y a la population locale, c'est meilleur. Oui. Mais il y a effectivement un conflit. Enfin, il y a des articles qui paraissent sans arrêt qui expliquent que, une politique mondiale de protection de la biodiversité doit être prise en charge par des experts scientifiques internationaux. Et puis, d'autre part, il y a l'idée. Alors, il ne s'agit pas de faire des bons sauvages écologiques, mais il y a l'idée que des populations locales qui ont coévolué depuis très longtemps en accord avec leur environnement et où on découvre que cet environnement leur doit beaucoup plus qu'on ne croyait. Hein, c'est la découverte que la forêt amazonienne, elle serait pas là s'il n'y avait pas les populations locales. Il y a tout un tas d'éléments sur ce qui pousse et ce que ça laisse entendre de la façon dont ça a été d'une certaine façon planté. Oui. Et l'idée, que ces populations sont quand même à même de prendre en charge leur environnement. Et qu'en plus, c'est peut-être dans leur intérêt de rester sur place. C'est ça. On peut dire aussi que du côté de l'Amérique du Nord, on a eu affaire à un véritable... D'une certaine façon, c'est une sorte de crime contre l'humanité permanent, puisqu'ils ont beaucoup toussé, ces protestants colons qui sont arrivés, et à force de tousser, et alors les baptistes qui sont partis après en Amazonie, ils ont recommencé. Ils ont aussi toussé, ils ont tué beaucoup d'Indiens. Donc, en tout cas, pour ce que vous dites, dans la comparaison que vous faisiez, Catherine Rer, entre le dispositif mexicain et le dispositif américain, il y a une sorte de puritanisme ambiant qui fait que les pueblos ont été réduits à néant, ou presque, enfin il en reste encore. Mais beaucoup de... Bref, il y a eu un génocide, quoi. Vous vouliez rajouter une précision Raphaël Larrère, Non. Bon, alors je vous propose maintenant d'en venir, on va prendre un couple d'opposés. Le naturel et l'artificiel. Usage courant du terme, ce qui est artificiel, et ce qui est le produit de la main de l'homme. De l'habilité humaine, je vous cite là, et n'est pas fait par la nature, dans cette définition qui appelle le dualisme. La nature est tout ce qui arrive sans l'intervention humaine. C'est un peu, dites-vous, le même type d'opposition que nature et culture. Alors, c'est des oppositions comparables. Oui. Et qui peuvent fonctionner exactement de la même manière, et d'autant plus qu'on pense que plus on insiste sur l'artificialisation, plus on insiste sur la domination humaine, sur la manipulation humaine, et que dire la nature artificielle, c'est dire qu'elle est entièrement dans la dépendance de l'homme. Oui. Quand on regarde de plus près, c'est plus si évident, d'abord parce que l'opposition naturelle-artificielle est beaucoup plus ancienne disons qu'on la trouve chez les Grecs, pour aller vite. Alors que l'opposition nature-société, on la trouve beaucoup moins, on la trouve différemment. Et puis que d'autre part, on se rend compte aussi que l'assimilation du naturel et de l'artificiel... Bon, maintenant, on va vous dire, mais les nanotechnologies, les biotechnologies, ça n'a plus de sens de faire une différence entre le naturel et l'artificiel. Quoique, bon, enfin, passons. Oui. On pourrait y revenir, oui, mais oui. Je veux dire, ça fait partie de ce qui se dit. Oui. Mais si on lit Descartes, dans les principes, dit... que les choses artificielles sont avec cela naturelles. Pourquoi ? Parce que ce que nous fabriquons n'échappe pas à la causalité et à la légalité naturelle. C'est ça, aux lois de la physique. Aux lois de la physique. Elles sont dans l'étendue. Donc, et voilà. Ça a beau être des artifices, ça reste des choses naturelles. Donc la confusion de l'artificiel et du naturel est beaucoup plus ancienne et elle n'a pas forcément la signification. D'ailleurs, on peut en dire deux mots parce que... Ouais. Par ailleurs, il n'y a pas la même valorisation. On valorise généralement la culture par rapport à la nature, mais on valorise la nature par rapport à l'artificiel. Artificiel, oui, et ce sont souvent les mêmes personnes. On peut revenir d'un mot aussi sur le distinguo fait par Aristote, qui était évidemment intéressant très rapidement, mais qui montre la différence, ou qui explique et qui fait le distinguo avec ce qu'il appelle la techné. Oui, alors bon, l'idée c'est que les choses artificielles n'ont pas en elles-mêmes le principe qui les fait exister. C'est ça. Mais ça marche avec si on pense que le naturel c'est le vivant. Oui. Et c'est pourquoi quand on passe à Descartes où la vie quitte la nature, il peut dire l'identité de l'artificiel et du naturel. Et donc on a un peu tendance à confondre artificiel et mécanique. Oui. Et c'est pourquoi dans la conjoncture actuelle d'artificialisation du vivant, ben on peut dire que l'artificiel est naturel, il n'est pas pour autant mécanique, donc il reste vivant. En tout cas, artificialisation humaine, on peut dire, donc c'est une manière aussi de résumer un certain nombre de distinguos. Si maintenant on regarde de plus près encore l'artificialisation. En particulier, si on regarde les manières de, comment dire, s'il y a cette artificialisation généralisée, puisque de toute façon, sans présence de l'homme, on peut pas imaginer une nature où il ne soit pas passé, la nature devient comme une sorte, vous avez, c'est le terme que vous employez, hein, que ça efface l'extérieurité de la nature et le respect qu'on lui doit, en particulier. Alors, ça efface l'extériorité de la nature, oui. C'est difficile de dire que la nature nous est totalement extérieure. On est complètement mélangé. Le respect, je pense pas. Après tout, je veux dire, nous autres humains, entre nous, nous sommes pas totalement extérieurs et nous nous respectons les uns les autres. Voilà, donc, on peut respecter des œuvres communes de la nature et de l'homme. Oui, vous pensez à quoi ? Un paysage, par exemple. Et oui. Vous avez un paysage devant vous, et vous avez envie qu'il se préserve, parce que vous l'aimez, que vous pouvez respecter les lignes de ce paysage, la beauté de ce paysage. C'est une coproduction de générations de paysans et de la nature. On peut dire, effectivement, pour faire exemple, on peut dire que les plantations étagées, alors que ce soit autant les vignobles que l'on peut trouver le long du Rhône, ou les plantations de riz que l'on peut trouver dans certains pays asiatiques, c'est vrai que là, il y a une esthétique d'une force terrible, puissante. Et elle est la combinaison, évidemment, du montueux et de l'artificiel humain. Oui, toute la culture en terrasse que vous avez dans les Cévennes est typique. On peut... C'est de l'artificiel. En même temps, ça s'adapte à une nature qui reste là. Je crois que le côté, plutôt qu'extériorité, il faudrait dire englobant, englobé. Je pense que ce qui provoque notre respect, c'est que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous et qui nous est en même temps très proche. Et avec ça... Et dans lequel il n'y a pas que nous. Et je pense que le respect est construit là-dessus. Alors, attention, quand vous penchez comme ça d'un seul coup, restez près du micro parce qu'on a l'impression que vous tombez dans un trou de nature. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait présent, permanent même, sous-jacent. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous y êtes encore plus attaché Enfin bon, je m'avance. Vous, Raphaël Larrère, que votre épouse, Catherine Larrère, c'est donc le pilotage, c'est l'idée du pilotage. Hein. Oui. C'est quelque chose de permanent, c'est-à-dire que l'industrie, par exemple, c'est le faire, au sens du verbe F-A-I-R-E, on fait. On fait, c'est-à-dire qu'on multiplie à l'infini le même objet. Le faire-faire, ça devient autre chose, hein. Je vous laisse le décrire. Alors, le faire, d'abord, je reviens sur le faire. Hein. Le faire, c'est en fait intervenir dans un monde que l'on n'a pas fait, en faisant comme si ce monde n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que on a une idée de ce que l'on veut faire, hein, c'est à partir d'un modèle, et on va fabriquer quelque chose à partir de ce modèle par un travail d'abstraction, abstraction de tout ce qui va lier l'objet en question au complexe dans lequel, naturel dans lequel on va le mettre. Faire avec, c'est autre chose. On appelait ça le pilotage. En pensant au fond au navigateur qui a une voile, hein, la marine à voile, et en fait ce navigateur, il est effectivement sur un outil qui a été fabriqué, mais en même temps, pour arriver au port, il est obligé de jouer avec les courants, avec les courants, avec le vent, etc., et d'en tirer parti. Tirer parti au maximum des processus naturels, les infléchir pour arriver au résultat que l'on souhaite, sans avoir et en sachant pertinemment qu'on intervient dans un monde que l'on n'a pas fait et qu'on va modifier. Ça correspond très très bien au Kairos grec, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, oui, oui. Parti d'Égine, il sut guider le bateau à bon port. Et il a passé. Métis. Oui, oui. Il trouvait le moment opportun. À la Métis aussi, oui, bien sûr. À la Métis, c'était le moment opportun. Mais le Kairos, c'est l'opportunisme. Enfin, ouais. L'opportunisme intelligent. Ouais. Et celui qui, au contraire, ne va pas essayer de lutter de façon absurde et brutale, mais au contraire, celui qui va adopter le vent, qui va se faire accompagner par la houle, ça y correspond plus. Alors, autre définition aussi qu'on va aborder, mais immédiatement après cette petite pause musicale que va nous proposer Danny Journaud. Et voilà, ce piano nous a fait passer le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Catherine et de Raphaël Larrère, autour de leur ouvrage « Penser et agir avec la nature ». Alors vous vouliez, pendant que cette musique nous accompagnait, vous vouliez, Raphaël Larrère, préciser que Évidemment, faire avec, ça a une importance. Et vous citiez, bah tiens, les fromages, si on fait ben pas oui. avec... Ah ben, pas uniquement, hein, si vous voulez. On a pris l'habitude... Bah, bien sûr, pas uniquement, la votre liste est longue. Presque toute la réflexion sur la technique est une oui. réflexion sur la fabrication. Et d'une certaine façon, ce que l'on appelle le pilotage, le faire avec, c'est un peu l'impensé de notre culture. Oui. Hein, de notre culture occidentale. Or, pourquoi c'est impensé? Si on regarde l'agriculture, au début, c'est effectivement, et ça reste encore, largement un pilotage. Même quand on la conçoit avec une culture de la fabrication et qu'on pense qu'on artificialise, eh ben, on maîtrise pas tout. Non seulement le climat, mais on maîtrise pas la faune du sol, etc. La domestication des animaux relève de ça. Relève de ça aussi si on n'avait pas appris à piloter des fermentations, eh ben il y aurait pas de fromage, il y aurait pas de vin, il y aurait pas de yaourt, il y aurait pas de bière, il y aurait pas de pain, il y aurait pas de pain, il y aurait pas de levain, il y aurait pas de levain, ben oui, oui. Et donc c'est quelque chose d'important. Et puis dernier point, le pilotage, c'est aussi, ou le faire avec, c'est aussi l'art du thérapeute, celui qui aide un organisme à guérir, parce que c'est pas le médecin qui vous guérit, c'est votre corps qui se guérit avec l'aide du médecin. Et avec un agent. Parfois voilà. avec un agent quand il y a vaccination. Antibiotique. Voilà. Hein oui. oui. Donc ou voilà, c'est je voulais repérer, c'est quand même quelque chose d'étonnant que ce qui me paraît être un impensé de notre culture occidentale a une telle importance dans pratiquement. Voilà. C'est ça que je voulais rappeler. Alors évidemment, on y reviendra, mais petite parenthèse, quand on voit l'instrumentalisation qui est faite, en particulier de l'élevage aujourd'hui, faire avec, c'est vraiment là de la torture. Hein. C'est-à-dire que, aussi bien pour l'élevage des poules, c'est-à-dire que tous les poussins mâles sont tués, quant aux poules, on leur coupe le bec. Bon, ils ont décidé maintenant de leur donner un peu plus grande surface. Quand on voit en particulier alors des fermes de 1000 vaches, déjà, ces vaches-là, on contrôle l'œstrus, bien évidemment, pour qu'elles fassent des veaux le plus souvent possible. On extrait, évidemment. Donc là, je dirais animaux d'élevage sont des vrais artefacts. Non, c'est une honte. La domination fabricatrice envahit et détruit tout ce qu'a fait la réalité de la domestication. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on pourrait dire que cet élevage est intégralement artificiel? Non, parce qu'ils sont vivants et ils souffrent. Et ils souffrent. Et beaucoup. Voilà. Beaucoup. Et si c'était intégralement artificiel, les animaux ne souffriraient pas. Et vous savez, très souvent d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les élevages industriels sont pas forcément très heureux du travail qu'ils font. C'est pas très très agréable, hein. Certains pensent qu'il y a même une certaine souffrance de voir souffrir des bêtes. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un système qui est pensé comme une fabrication. Les animaux sont pensés comme des machines à produire. C'est ça. On parle de production animale et plus d'élevage, alors que finalement. En réalité, ça demeure un élevage parce qu'on a affaire à des êtres vivants et qui ont une... Sensibles. Qui sont des êtres sensibles. Martyrisés. Ouais. Et martyrisés. Petite différence, une vache qui allait son veau, normalement, au pré, c'est 12 litres de lait par jour. Quelque chose comme ça. Alors qu'on atteint, je crois, 28 litres avec des vaches. Hein, Peut-être. C'est gigantesque, quoi. Enfin, oui, c'est toute l'année, en plus. Oui. Enfin, pas toute l'année, mais quand même. Bonne partie de l'année. Quasi toute l'année, hein, parce qu'on régule les œstrus comme on veut. Hein. Enfin, bref. Alors, on peut venir à ce distinguo que vous faites sur les possibles, l'exploration des possibles. Là, on avance à grands pas dans votre ouvrage. Il est tellement riche que, il faut faire des moments, des contorsions et des pas de géant. Exploration des possibles naturels, c'est une nouvelle étape entre l'artificiel et le naturel. Qui commence du couple? Bon, je veux bien y aller, puis tu continues. Et je crois que c'est... Bon, il y a une étape, par exemple, quelqu'un comme Bacon qui pense l'artificialisation comme la production de ce qui est le plus loin possible de la nature, de formes jamais vues dans la nature. C'est à la fois l'avant-gardise et en même temps, bon, quelqu'un comme Rousseau va tourner ça en ridicule. Ouais, c'est l'incipit de son truc. On ira partout, voilà. Et on fera tout. On fera tout et on fera des choses qu'on n'a jamais vues nulle part. Voilà. Or, on se rend compte aujourd'hui que, bon, il y a certainement des gens pour dire ça, mais il y a toute une autre voie. Par exemple, quand on insiste sur le caractère mimétique, au contraire, d'imitation. Et à ce moment-là, l'artificialisation, c'est pas une façon d'essayer de faire ce qui n'a jamais existé, mais d'explorer les possibles naturels, c'est-à-dire de faire apparaître quelque chose. On est dans Descartes, hein. On est dans l'artificiel, est avec cela du naturel. Donc, de faire apparaître ce qui est naturel, mais ce qui, spontanément, ou sans, bon, à une petite injonction, n'existerait pas. C'est ça, oui. Oui, correctif. C'est-à-dire que ou enrichissement. C'est une démarche scientifique, bon, qui n'est pas très récente, hein, mais qui est de mettre au fond un dispositif vivant dans une telle situation que on va révéler, hein, par les conditions expérimentales, va se révéler un certain nombre de propriétés qui n'ont pas eu l'occasion de se révéler dans le cours de l'évolution. Ou qui ont disparu. Qui ont été mises, qui n'ont pas été sélectionnées par la sélection naturelle. Et, ou qui se maintiennent dans certaines branches, mais pas dans d'autres. Et alors, par exemple, c'est comme ça que, a priori, je pense au clonage des mammifères. Bien évidemment, les mammifères ne se clonent pas. Bon, il y a des espèces où il y a des formes de parthénogenèse animale, mais il n'y a pas de clonage spontané dans le règne animal. Et là, effectivement, en mettant un ovule dans une situation... Alors effectivement, il y a une intervention artificielle des humains, mais après... C'est l'ovule qui fait tout le travail de reprogrammer le noyau somatique qu'on a mis après l'avoir énucléé et de faire, ou généralement avec un rendement absolument catastrophique, hein, de 2% à peu près de rendement, bah vous donnez d'obtenir les chiffres, un véritable clone, oui. Enfin, un véritable clone, quelque chose qui ressemble au clone du donneur et qui puisse vivre normalement. Comment? Et quand on fait porter par la mère, qui n'est pas le syndrome du gros veau, enfin qui se développe de façon à peu près normale. Mais là, vous donnez les détails. Hein. On voit que la procédure de clonage, en tout cas, hein, de l'intervention, c'est il faut 100 individus pour avoir une réussite de 2. De 2 à 5. Et donc, c'est quand même très très laborieux. Hein. Ah bah oui. C'est très difficile, très laborieux. Mais hein. on a révélé des possibles naturels. Oui, c'est ça. On n'a pas créé quelque chose. Alors comment et par ailleurs, le clone n'est pas un artefact. C'est un être vivant. C'est un être vivant et un être sensible. Et en tant que tel, on a plus de devoirs envers lui. C'est-à-dire que d'une part, on en est responsable. Et d'autre part, il faut le respecter en tant qu'être sensible. Donc voilà, c'est Alors on peut aussi prendre un tout autre... On va laisser les vivants, passons à l'inerte justement, et poursuivons cette question de l'intervention avec les possibles. La chimie s'est caractérisée d'abord par sa méthodologie et son geste d'analyse... Bien sûr, on a compris ce qui se passait dans les décoctions de feuilles de sauge, et on s'est rendu compte que le principe actif c'était l'aspirine, et après on a fait de l'aspirine de synthèse. Donc, et grosso modo, avec, je ne sais plus, le chiffre absolument faramineux de molécules chimiques qui sont créées chaque année, on est dans l'artificiel total, parce que est-ce que on considère que c'est du possible? Parce que je viendrai après au nano, mais quand on fait de la chimie, quelle qu'elle soit, mais donc qu'on crée des molécules. On peut penser par exemple aux macromolécules et aux architectures moléculaires qu'a fait Jean-Marie Laine, qui sont des créations complètement inédites. Hein. Mais moi, je pense que ça dépend comment se font ces synthèses. Oui. Hein. Là, je vous dis, je connais mal la chimie. Oui. Je suis désolé, mais on peut pas tout savoir. Vous en savez déjà assez. La question est de savoir comment se font ces synthèses. C'est-à-dire que est-ce que il y a toute une branche de la chimie qui est le biomimétisme, par exemple. Mais est-ce qu'elles font appel à des processus vivants pour développer. Je ne sais pas très bien. Hein. Oui. Je dois dire que là, elles font les deux. Elles font les deux. Elles font les deux. Oui. Mais effectivement, c'est. Je pense que la chimie est. En tout cas, c'est le symbole de l'artificiel. Quand c'est on veut donner une image de l'artificiel, c'est la chimie qu'on donne. Oui. Mais on n'a pas forcément raison. Peut-être, on n'a pas forcément raison. Hein. Faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. Bon, ceci dit, on est plutôt dans le biomimétisme, hein, c'est-à-dire c'est ça, j'avais envie de vous... que voilà. L'on est dans le pilotage, dans le faire avec, vraiment. Mais je sais pas. Hein, ce que je peux vous dire, que on est vraiment dans le faire avec quand on fait des trucs très très sophistiqués comme la transgénèse, le clonage, oui. Etc. Mais sur la synthèse chimique, je sais pas très bien. En tout cas, c'est à voir. Ben, y a que d'autres gens, je sais pas, Bernadette Binson, ouais. Vincent pourrait répondre à cette question. Oui, évidemment. On a travaillé avec elle. Donc. Mais on peut en tout cas voir qu'il y a une activité industrielle qui est surpuissante. Il y a la création de nouveaux corps. Ils respectent pas, en tout cas, la réglementation REACH qui a été faite par Bruxelles, et ils confient aux industriels l'analyse pour savoir si les molécules produites sont toxiques. Donc là, on est dans une situation... parce qu'il faudrait peut-être aussi, j'en profite d'ailleurs, peut-être aussi introduire à un moment l'industriel et l'économique. Vous le faites pas de façon explicite, parce que vos objets sont tout autres, hein, vous analysez, mais il y a quelque chose qui court dessous, souvent, c'est évidemment l'industrialisation. Et qui est chapeauté par l'activité financière débridée aussi, hein, on peut le voir. Alors, à un moment de votre ouvrage, vous empruntez un philosophe qui s'appelle Serres, cette fois, une sorte de... on arrive dans une situation où l'identité du naturel et de l'artificiel est vraiment atteinte. L'identité, c'est les machines intelligentes. Oui, parce que... L'esprit est une machine. On peut le mettre dans les deux sens. Hein? Et la machine est un esprit, oui. Ouais. Si on repart de Descartes, les choses artificielles sont avec cela naturel. Il reste avec Descartes une distinction entre l'artificiel et le naturel, qui est l'intention. Bien sûr. Quelqu'un comme Valéry considère que l'intention suffit à définir la distinction entre l'artificiel et le naturel. Mais pour peu que on naturalise l'esprit, justement, c'est-à-dire qu'on considère ce qui en gros philosophiquement se fait à partir de Hume, donc à partir du XVIIIe siècle, hein, que finalement l'homme est naturellement technicien. C'est-à-dire que la technique est un produit naturel de l'humanité et que donc il n'y a pas un esprit qui serait séparé de la matière, mais que l'homme comme vivant produit de l'artificiel qui du coup est encore plus naturel. Et si on se met à de façon plus cartésienne à se dire qu'il peut y avoir des modèles machiniques, mécaniques de l'intentionnalité, ben à ce moment-là, on est dans une artificialisation intégrale, à ceci près, à mon avis, qu'il va y avoir du dualisme qui va ressurgir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va théoriser cette artificialisation. Donc, la réflexivité remettra du sujet. Remettra du... C'est pour ça que je pense que le monisme n'est jamais une solution. Alors, question en tout cas d'actualité, puisque le grand programme de neurobiologie récuse, et en particulier tous les philosophes qui l'accompagnent, en sciences cognitives et en philosophie sur ses positions et informé des neurosciences, refuse totalement le dualisme cartésien, hein, ou le dualisme substance pensante, substance étendue, pour adopter un monisme strict, là, d'une certaine façon. Hein. C'est évidemment pas le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, mais évidemment que il n'y a pas quelque chose comme un esprit, il faut avoir une pensée causale, une méthodologie matérialiste pour avancer dans la compréhension de ce que font les circuits neuronaux. Et évidemment, là, le philosophe aussi a beaucoup son mot à dire, parce qu'il a réfléchi à ce que c'est que la conscience de soi, ainsi de suite, de la réflexivité. Et donc, on voit un accompagnement philosophique fort. Je pense au couple que vous formez, sociologue et aussi scientifique et technicien, et philosophe de l'autre côté. Quel est votre sentiment, Catherine? Ben, que la naturalisme, enfin, cognitivisme, ce sont des programmes. Oui. C'est-à-dire, ce sont c'est des processus en cours qui n'impliquent aucune affirmation substantielle. C'est-à-dire que je pense que les cognitivistes ne vont pas vous donner une définition métaphysique. Non. Donc, ce sont des programmes en cours. Méthodologie. C'est des méthodologies. Il n'y a pas d'affirmation ontologique. Et c'est là que je dis que, il y a toujours du dualisme qui revient sans affirmation ontologique nécessaire. Il y a toujours quelqu'un pour faire les programmes, décider des programmes. Donc, le programme, alors on pourrait dire qu'il y a une sorte d'auto-engendrement du programme. Les programmes engendrent des programmes. Ou quand on a répondu à des appels d'offres et qu'on est dans un certain type de programme de recherche, on se rend compte que... Il y a un certain auto-engendrement du programme. Expliquez. Quand vous êtes obligé de financer vos recherches en répondant à des appels d'offres, oui. vous répondez à un appel d'offres pour avoir l'argent pour terminer le programme et c'est un processus qu'on appelle ainsi et ensuite. On peut appeler ça l'autonomisation de la recherche. Bon, mais je dirais, il y a toujours la possibilité d'une réflexivité et donc on n'est jamais dans un monisme total et d'autant plus que mes collègues cognitivistes vous diront bien qu'ils ne sont pas métaphysiciens. Hein, donc, ils ne font pas d'affirmation substantielle sur ce qu'est quoi. C'est vrai, ils sont, on va dire, ils sont plus du côté de l'empirisme, pour aller vite, et pour utiliser des gros concepts. Hein, oui, c'est une sorte, évidemment, c'est un monisme méthodologique. Un monisme. Mais vous parliez d'économie. On voit ce type de programme dans la façon dont l'économie de la nature actuellement absorbe la nature. On a internalisé les externalités et c'est des processus en cours. Des gens comme Christophe de Bonneuil ont beaucoup étudié ça. On voit la oui, une forme de monisme, hein, de tout, on peut économiser la nature, on peut faire la compensation, la financiarisation, etc. C'est absolument pas au service de la protection de la nature. Ça implique quand même un certain dualisme, à mon avis. Oui, alors il nous reste malheureusement peu de temps, hein, ça a couru comme d'habitude, évidemment, inexorablement. Et en particulier, j'aurais bien aimé qu'on puisse regarder de près cette histoire de restauration. Qu'est-ce à dire, hein, parce que là encore, vos analyses sont extrêmement fines et de restauration. Qu'est-ce à dire, hein, qu'est-ce à dire, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. Juste deux mots. D'une part, on restaure pas le passé. Il y a une flèche du temps et la nature, c'est vrai pour la nature comme pour les sociétés. Donc on ne va pas restaurer. On met sur une trajectoire qui va permettre à des milieux, au fond, de retrouver une certaine résilience, une certaine capacité de s'adapter à leur environnement. C'est un processus, c'est pas un état. Et à partir de là, on doit, à mon avis, alors que, pour des raisons qu'on comprend très bien, parce que ils n'auraient pas d'argent sans ça et qu'on ne les prendrait pas au sérieux. La plupart des gens qui font de la restauration écologique se considèrent comme des ingénieurs. Des bio-ingénieurs. Voilà, des ingénieurs écologues. Oui. Et moi, j'aurais tendance à leur dire, écoutez, faites gaffe, parce que vous feriez mieux de vous prendre pour des thérapeutes. D'accord. Parce qu'en vous prenant pour des thérapeutes, quand ça marche pas, vous pourrez toujours dire, ben, on a tout essayé pour que ça marche. Alors que, en tant qu'ingénieur, vous avez un devoir de résultat. Bon, une dernière question, je vous l'adresse, Catherine Larrère. Vous avez moins d'une minute pour répondre. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le terme était intéressant. En particulier, donc, quand vous parlez du transhumanisme, vous parlez d'un cauchemar solipsiste. Oui, parce qu'on est enfermé dans soi-même. On n'a plus de rapport avec les autres, c'est complètement l'individu en lui-même. Et la solidarité, le lien social disparaît. Le cauchemar solipsiste et le lien social a disparu. On y reviendra bientôt sur le transhumanisme et on gardera cette définition que vous nous avez offerte. Je redonne le titre de votre ouvrage, Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature, avec ce sous-titre une enquête philosophique. Et cet ouvrage est édité aux éditions de La Découverte. Et ben voilà, nous sommes au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues. À la technique aujourd'hui, David Federman. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau, Stéphane Delisgeorges. Continent Science, c'est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous avez la possibilité de nous télécharger le temps d'une grande année et de nous écouter pendant 1000 jours.